Chapitre 14. Le baptême de Madame Har était un événement parisien. Depuis 8 jours, les journaux mondains ne parlaient plus d'autre chose, donnant force détails sur les préparatifs et la cérémonie. Les articles, rédigés dans ce style étrange qui fait rêver de macaroni au miel, couvraient de fleurs la belle étrangère. Les grands journaux eux-mêmes daignaient parler de ce fait sans précédent. Une adorable femme, déjà une fois convertie, abandonnant la religion librement choisie autrefois, parce qu'elle avait vu luire ailleurs le flambeau de la vérité. Alors suivait une minutieuse description de la beauté de Madame la Comtesse de Har. On sentait que le reporter, bien renseigné, s'était complu dans les moindres détails. Un journal, mal pensant, s'étant permis de dire que la néophyte était probablement aussi éclectique en religion qu'en amour, il y eut un tollé général, et il fut un instant question d'offrir à la comtesse un banquet de protestation à l'hôtel Continental. Ce qui attirait surtout l'attention sur ce singulier baptême, c'était la situation très en vue des parrains et marraines. Sa Majesté, la reine de Numidie, définitivement fixée à Paris, avait accepté de nommer Madame Har avec l'ambassadeur extraordinaire de la République de Saint-Marin. Les baptêmes ont habituellement lieu sans aucune pompe, mais la belle étrangère avait tenu à faire du sien une exception. Elle voulait une cérémonie imposante, de la musique, une sorte de concert spirituel où chanteraient tous les artistes en vogue, et elle avait invité tout Paris. L'affluence de monde semblait devoir être telle qu'on avait mis dans les journaux un entrefilet annonçant qu'on ne laisserait pénétrer dans la chapelle que les gens porteurs de cartes d'invitation. Les couturiers étaient affreusement bousculés. Toutes les femmes voulaient des toilettes à sensation. Il fallait à tout prix trouver du neuf, inventer un costume compris. Moins habillé, meilleur enfant que pour un mariage, enfin quelque chose de bien chic. Ces dames se demandaient anxieusement quelle toilette aurait Madame Har. Mais Caroline, interrogée, était demeurée impénétrable. Le matin du baptême, une foule compacte envahissait, dès 11h30, la petite chapelle des pères, parée de fleurs, tendue de soie blanche brodée d'argent, mais infiniment trop petite pour contenir autant de monde. Lorsque l'oncle Jean, André et Lagardie arrivèrent, on se pilait littéralement à l'intérieur, mais M. de Scaer donnait à entrer quand même. Une partie des invités, refoulés au dehors, se pressaient dans l'avenue. De nombreux groupes obstruaient le trottoir, causant très haut afin de dominer le brouhaha des voitures, les cris des cochers et le murmure de la vraie foule, grouillante et mouvementée, qui, croyant à un grand mariage, attendait curieusement pour les voir entrer. Le peuple adore regarder la descente de voiture et l'entrée à l'église des futurs époux. C'est un prétexte à gaudriole, une occasion de réflexion souvent spirituelle et toujours juste, sur la physionomie de la mariée et la tête du futur. Quand les mariés sont beaux et bien assortis, ils entendent un concert de louanges prodigué dans ce langage vif et imagé de l'ouvrier parisien. Mais si, au contraire, ils sont ridicules ou vilains, les quolibets et les épithètes malsonnantes pleuvent, lancés bien haut dans ce même terrible langage. Tant pis pour qui épouse une femme disgraciée, vieille ou repoussante. L'homme du peuple ne pardonne pas cela et, dans ce cas, il est sans pitié pour le monsieur qui fait une affaire. « Restons dehors, » proposa Lagardie. « Nous serons vraiment mieux. »« Pourvu que nous les voyions passer, c'est tout ce qu'il faut. »« Moi, » dit M. de Scaer, « je voudrais bien voir de près la tête de Madame Har pendant la cérémonie. »« Mais c'est impossible, nous serions écrasés, » s'écria M. de Lalonde, beaucoup plus calme que l'oncle Jean. « C'est effrayant ce qu'il y a de monde. »« Dame, ce baptême fait un tel bruit. » Une femme, arrêtée près d'eux, entendit cette réflexion. « Un baptême, c'est qu'un baptême, » dit-elle à un porteur de pain avec lequel elle causait. « Bah, c'est un gosse qui peut se vanter d'en faire un de boucan. Bien le bonsoir. Je vais affûter mes pincettes. J'attendais bien pour reluquer une belle mariée, comme ça, en passant, mais pour entendre hurler un môme, merci. Il y aura peut-être une jolie marraine. Ah, ouais, une marraine. Ça n'a pas le même intérêt. » Un ouvrier s'approcha d'eux. C'est la reine de Numidie qu'est la marraine, qu'on vient de me dire. Une reine? Ben merci. C'est bien Urf. Ah si c'est ça, je reste alors. Un mouvement se fit dans la foule. V'là les roulantes. D'un coupé marron sortit un petit homme grêle, menu, étriqué, à l'air timide, presque suppliant. Il se retourna, tendant la main à une grande dame sèche et vulgaire, taillée à coups de hache, vêtue d'une somptueuse robe de velours rubis, ruisselante de broderies et de pampilles brillantes. Toutes les têtes se découvrirent sur son passage. Alors on entendit des réflexions plus sincères que courtoises. « Malheur, c'est ça la reine ? Faut le croire. Et le petit vieux donc ? En v'là une binette à la désastre !» Une magnifique berline à siège drapé suivait le coupé. Dammartin en descendit et fit sortir Madame Har, tout en blanc, une mantille de blonde posée sur ses magnifiques cheveux roux. La reine de Numidie s'était arrêtée sous le porche à l'entrée de la chapelle. En voyant venir à elle la jeune femme inclinée dans une attitude respectueuse, elle s'avança d'un pas au-devant d'elle et lui posant sur les épaules ses mains énormes, lui donna l'accolade. Le petit homme s'avança alors gauchement et d'un air embarrassé exécuta le même mouvement. Il était si petit que Madame Har dut se baisser. De l'avenue, le public assistait à la scène. « On y bientôt fini de sucer le caillou !» cria une voix éraillée. Puis vinrent les remarques sur Madame Har, à laquelle la vieille rognure avait offert le bras. « Elle est rien chouette, la mariée !»« C'est pas une mariée, c'est celle-là qu'on baptise !»« Ah, c'est donc un sauvage !»« Elle a pas l'air de ça toujours !» C'est-y son père, le petit déplumé, qui lui donne le bras. « Voici votre nièce, » dit Lagardie, montrant à M. de Scaer, Josette et M. Moret, qui descendaient de voiture. « Matin, v'là un beau brin, pas piqué des vers !» s'écria le porteur de pain, la regardant avec admiration. L'oncle Jean arrêta M. Moret, qui cherchait à faire pénétrer sa femme dans la chapelle. « Pas moyen d'entrer, il faut rester dehors. C'est superbe, il y a un monde, et des toilettes épatantes. » La baronne Jassy est en satin feuille de rose avec une traîne en velours mal de cœur. C'est d'un réussi, et la reine donc. Elle a l'air de s'être roulée sur le soleil. « Madame Har est-elle jolie ?» demanda la comtesse. « Splendide. En drap de soie blanc, pas de traîne, une mantille, abrutissante de chic. Dis donc, » ajouta-t-il en examinant Josette des pieds à la tête, « c'est toi qui en as du chic avec ta petite robe toute simple. » « Sais-tu que tu es très coquette à ta façon ?» Impossible de dire avec plus de désinvolture qu'on n'a pas besoin de ce qui est nécessaire aux autres. Se haussant sur la pointe des pieds, M. Moret regardait dans la chapelle. Il aperçut le dru et sa fille, pieusement agenouillés au dernier rang. « Vous ne voulez pas essayer d'entrer ? » dit-il à Josette. « On ne voit rien d'ici, on n'entend pas la musique. Tenez, nous allons demander à l'affaire de nous frayer un passage. » Devant sa grande taille, le flot s'ouvrira. Comment ? Te voilà, toi ? S'écria l'oncle Jean, apercevant monsieur de l'affaire. Tu ne devais venir sous aucun prétexte. Je ne voulais pas m'empiler dans votre fiacre. J'arrive à pied, tranquillement, en me promenant. L'oncle Jean regarda attentivement monsieur de l'affaire. Il était en extase devant Josette. Il vient parce qu'il l'a rencontrée et qu'il a voulu la revoir, pensa-t-il, ce pauvre Pierre. « Il est très malheureux, et je crains que, enfin, j'aimerais autant le voir retourner aux Indes, moi, ce serait plus sûr. » Il fut distrait de ses réflexions par l'arrivée de Duplan, qui, rouge et soufflé, s'élançait d'une Victoria à 8 ressorts et, traversant le trottoir en 2 enjambées, demandait effaré « Est-ce que c'est fini ?»« Rassurez-vous, » répondit Lagardie, « on ne pouvait finir sans vous. »« Alors pourquoi êtes-vous là ?» « Est-ce que vous n'avez pas d'invitation, vous ?» Et triomphalement, Duplan sortit sa carte de sa poche. « Si, mon cher Duplan, nous avons des invitations, » répondit l'oncle Jean, « mais nous préférons respirer. »« Ah bon ? À votre aise, moi, j'entre. » Lagardie l'arrêta. « On ne vous laissera pas passer ainsi. Il faut porter ostensiblement sa carte. »« Hein ? Je ne savais pas, » dit Duplan qui essayait de faire un trou dans la carte avec son doigt. « Laissez faire, je vais vous l'attacher. » Et perçant la carte du bout d'un petit crayon d'or, le journaliste la lui passa dans un bouton de sa redingote. À la vue de cet immense carton satiné s'étalant comme un écriteau d'aveugle sur la poitrine du gros homme, Josette éclata de rire. Puis, prise de pitié, « Il ne faut pas le laisser aller ainsi !» dit-elle tout bas à M. de Scaer. La gardie entendit et lança à la comtesse un regard suppliant, craignant qu'elle ne fît manquer sa farce. D'ailleurs, Duplan les quittait, leur criant « Bien le bonjour !» et fonçant comme un bélier sur la foule, la forçait à s'ouvrir devant lui. Profitant du mouvement et de la trouée, Madame de la Saussaye sortit, soutenue par Madame de Jurieu et Luxeuil. L'aréole suivait empressée. « Elle se trouve mal, c'est la chaleur, » dit-il en passant à M. Moret, qui ne parut pas le voir et, sans affectation, regarda d'un autre côté. Luxeuil, très pâle, l'air bouleversé, courait au milieu de la chaussée, cherchant à retrouver la voiture. « C'est inouï, » dit M. de Scaer. « Je crois que le malheureux garçon aime vraiment cette vieille femme. » J'ai vu dans des livres que Madame des Ursins avait 64 ans lorsqu'elle devint toute puissante sur Philippe V, dit Lagardy d'un ton sérieux. Duplan ressortait aussi cramoisi, les yeux hors de la tête. « Je ne peux pas y tenir. Ce qu'on brûle la dent d'encens, c'est rien de le dire. Jamais je n'ai respiré un air pareil. Si, pourtant, à Java. » Et s'adressant à Josette, « Imaginez-vous que les dames de ce pays-là se frottent tout le corps avec de la myrrhe. Le plus sale parfum, ce que ça entête. » « C'est rien de le dire, » acheva Lagardy, qui connaît la formule favorite de l'ancien complaisant du bey. Duplan a été lancé. Il continua en s'épongeant le front avec un mouchoir garni de dentelles. « Si vous saviez, Madame la Comtesse, comme c'est beau, ces pays-là. Des arbres, des fleurs, des bêtes, des femmes comme personne, et le soleil, donc, un soleil majestueux, rouge, cossu. Assez, » dit Lagardy, cherchant à délivrer la comtesse. « Qu'on fasse des voyages, rien de mieux, mais on ne les raconte jamais, c'est très mal porté. » Les choses bien ou mal portées jouent dans la vie de Duplan un rôle dont le petit journaliste sait toute l'importance. Il s'arrêta court en recevant cette observation. « Est-ce qu'on ira à la sacristie ?» demanda l'oncle Jean, et tout à coup, s'adressant à M. de Lalonde, « Tiens, voilà la mère de Jouan, c'est le cas de te faire présenter. Allons, Lagardy, conduisez-le au feu. » « Pourquoi veux-tu donc qu'André se fasse présenter à la tante de Jouan ?» demanda Josette. « Représenter, c'est-à-dire, car il l'a connu autrefois à Scaer. Il a envie d'aller à ses samedis. Ah oh bah, c'est une drôle d'idée. Mais non, il veut se marier. » Monsieur de la Fère ne quittait pas des yeux Josette. Il s'attendait à l'explication de Jean et voulait voir l'effet que l'annonce du mariage possible de Monsieur de Lalonde allait produire sur la jeune femme. Le visage de la comtesse s'exprima un très grand étonnement, mais aucune émotion. Quant à M. Moret, il se départit de son impassibilité habituelle, s'écriant, malgré lui, « Se marier, enfin !» Josette le regarda, surprise, ne comprenant rien à cette explosion. « Pourquoi enfin » interrogea-t-elle. « Mais, » dit M. de Moret avec un peu d'embarras, « parce que depuis quelque temps, nous lui conseillons tous de songer au mariage, et comme jusqu'à présent il se montrait rétif, « je suis heureux de voir ce changement subi. »« Est-ce que vous avez une femme à lui offrir ?» demanda gaiement Josette. « Non, mais je puis chercher comme les autres, » répondit le comte, dont le regard sembla, perçant la foule qui masquait l'entrée, se poser sur une personne visible pour lui seul. Puis il ajouta, « Il n'en est pas moins vrai qu'il faut se faire présenter à cette excellente baronne. C'est le plus sûr moyen de... Qu'est-ce que vous dites ? De quoi parle-t-on ? S'écria impétueusement Duplan en se rapprochant en entendant prononcer le nom de la baronne. Déjà, Lagardy entraînait André vers Madame de Jouan. « Permettez-moi, madame, » dit-il d'un ton dégagé, « de vous présenter Monsieur de Lalonde, un de vos compatriotes, qui meurt d'envie d'aller à vos samedis. » Madame de Jouan fit à André un cérémonieux salut. « Monsieur de Lalonde, que vous me présentez aujourd'hui, est une très vieille connaissance, » dit-elle à Lagardy. Puis, se retournant vers André, « Je suis chez moi le samedi soir et le mardi matin, monsieur, et je serai très heureuse de vous recevoir. » André balbutia quelques banales phrases de remerciement, et la baronne s'éloigna d'un air digne. Elle avait aperçu Josette et voulait éviter de lui dire bonjour. « Eh bien, voilà qui est fait, » dit M. Moret, dont les yeux brillaient. « Hélas, » répondit André en souriant, « il me semble que je suis déjà marié. » La cérémonie finissait. Quelques personnes sortaient de la chapelle, indécises, ne sachant pas s'ils iraient chez la reine de Numidie, qui avait annoncé qu'elle recevrait après la cérémonie. Madame de Villefranche passa, entourée, comme toujours, de l'essaim d'adorateurs qui marchent à ses côtés comme un seul homme. Elle s'arrêta un instant pour serrer la main à Josette et fit un signe à l'oncle Jean, qui prit docilement place dans l'escorte. Puis madame de Jurieux parut au bras du baron Jassy. Derrière eux marchait Jurieux, remorquant la baronne, une jolie petite blonde, rose et boulotte. « Tiens, » dit M. Moret, « on m'affirmait hier qu'ils étaient brouillés. » « Brouillés comme des œufs ?» murmura Lagardy. L'orgue jouait une marche. Madame Hart descendit lentement la nef, calme et recueillie au bras de son parrain. La reine de Numidie la suivait. Elle avait fait au marquis de Dammartin l'honneur de l'accepter pour cavalier. La vieille rognure ne semblait pas plus fière pour ça. Il marchait de travers, comme toujours, présentant l'épaule droite et exagérant encore ce dandinement éreinté qui caractérise son allure. Il arrivait au niveau de l'épaule de la reine. Elle avait l'air de s'appuyer sur une canne. La berline de Madame Hart avançait. La reine y monta. La néophyte prit place près d'elle, et le pauvre petit ambassadeur s'installa sur la banquette du devant, se faisant tout petit, ce qui, déclara Lagardy, était superflu. On voulait faire monter en quatrième la vieille rognure, mais il refusa. Il allait suivre dans son coupé, si on le permettait. Il ne voulait pas être indiscret. Dès que la voiture fut partie, M. Moret s'approcha de lui. « Eh bien » demanda-t-il. « Eugénie Chanot, née à Charonne, le 28 juillet 1845, » répondit brièvement Dammartin. « Hein ?» fit M. Moret ahuri, ne comprenant pas un mot. La vieille rognure s'arrêta. « Qu'est-ce que vous me demandiez ?» Je disais, « Eh bien, sous-entendu, êtes-vous satisfait ?»« Parbleu, sans doute, puisque pendant plus de 24 heures j'ai eu son acte de naissance entre les mains. Je ne voulais que ça, moi. Je sais à présent que cette soi-disant grande dame étrangère est de Charonne, et détail qui a sa petite importance, pour elle surtout, qu'elle est née le 28 juillet 1845. » Ça lui fait sa jolie pièce de 38 ans. C'est égal. J'ai eu du mal pour en arriver là. Lagardy, stupéfait, contemplait le marquis avec admiration. Ainsi, c'est pour savoir son origine et son âge que vous avez fait tout ça? Pas pour autre chose. Vous n'en êtes pas encore là, vous, messieurs les journalistes. Et je ne pense pas que beaucoup de vos reporters puissent piger avec moi. Puis, s'étirant avec un formidable bâillement. Ouf! « J'en ai assez, des reines dégommées, avec lesquelles il faut se tenir comme si elles ne l'étaient pas. Quelle scie !» Et comme on riait, la vieille rognure ajouta de sa voix traînante et canaille. « Oui, le commerce des grands m'embête sans me flatter. Quand je suis avec eux, j'ai tout le temps envie de fumer une pipe. Je me dis que leur présence m'en empêche et je leur en veux de ça. Voilà comme je suis. » Il salua Josette et s'engouffra dans son coupé. Duplan demanda « Allons-nous chez la reine ?»« Moi, j'y vais, » dit Lagardy. « Mais par métier et non par plaisir, ce sera assommant. » M. Moret guettait la sortie des Ledru. Avant de se prononcer, il désirait savoir ce qu'allaient faire le père et la fille. « Je vais au bois, » dit Josette. Son mari la regarda avec stupeur. « À cette heure-ci, mais il n'y a personne. »« C'est précisément pour ça. Je vais me promener à pied aux acacias. » M. Moret haussa les épaules. Décidément, il n'y avait rien à faire de sa femme. Elle ne comprenait pas la vie. Il la fit monter en voiture et revint au devant des Ledru qui sortaient de la chapelle. Déjà, Duplan, sautant sur le père Ledru, parlait affaire avec volubilité. M. Moret s'approcha de Geneviève et lui dit rapidement « Il faut que je vous parle. » « Tiens, comme ça se trouve, moi aussi. Puis-je vous voir aujourd'hui ?» « Pourquoi pas ? À 3 heures, comme toujours. » Ledru, que Duplan tenait par un bouton de son gilet, était parvenu à tirer sa montre. « Allons, vite, fillette, » dit-il à Geneviève. « Je dois être à 2 heures à la bourse, et auparavant nous devons aller saluer Sa Majesté. » Puis, voyant Détiol s'acheminer à pied vers les Champs-Élysées, « Voulez-vous accepter une place dans ma voiture, monsieur le duc ?»« Merci, » répondit le jeune homme. « Je marche par régime. »« Ce pauvre monsieur Ledru, » dit Lagardy lorsque la voiture s'éloigna, « il a dû être domestique. »« Pourquoi ça ?» demanda Duplan scandalisé. « Parce qu'il en a le langage. Il appelle monsieur le duc d'Étiol qui a 30 ans. Bientôt il parlera à la troisième personne. Comment, comment ?» insista Duplan, inquiet. « Mais moi aussi je dis toujours comme ça. »« Eh bien, c'est un tort. »« Vraiment, je croyais. »« Montez donc avec moi. Vous m'expliquerez ça en route. »« Je veux bien, moi. Je suis pas fier. » marmotta en riant le petit journaliste, qui bondit dans le huit ressorts en voyant dans une ruade de gaieté son talon presque sur le nez du parvenu. Pierre de l'Affaire était resté seul sur le trottoir. Il héla un fiacre qui passait. « Au bois, allée des acacias, » dit-il en montant.